Combien étaient des bois à rien, mais bon en tout, combien ont parlé de soutien, combien ont cru en nous, combien parlent d'amitié, mais seulement quand ils y gagnent. La France t'aime quand tu portes le numéro 10, floqué Zidane. Quelques photos en guise de flashback, des années perdues, mentionnées sans cagoule, un paquet de Malbac. Tant et puis raté, on oublie que c'est pire après, on se confie aux gens sur un album piraté. Combien ont pensé à raccrocher, combien sont dit un dernier coup, ont vu la mort se rapprocher. La dernière casse à la mode, la dernière perle, le dernier jean, le dernier phone télé pour finir à la morgue. Ces petits on m'avait dit que l'avenir serait black, que nos ambitions seraient des blagues, que la rue ferait mes bacs. Entouré de sales golemons qui pensent que leur vie de merde sera diffusée dans des salles gaumont. Quand je repense aux paroles des anciens, eh ben je me dis que c'était fondé, mais ça t'y pense une fois que le château de cartes s'est effondré. Combien ici ont vu changer leur flair en drame, des darons déposés, des fleurs devant des enseignes en marbre, reliques dans le Vuitton, destin de petit con, ma jeunesse les yeux vers le ciel ou enfoncés dans le guidon. Combien rêvaient de monter, combien avaient un plan A, au plan B se sont fait plomber. Combien de crevards t'ont demandé de prêter, ne t'ont jamais rendu, qui fait voir les startups péter. Les bons moments m'ont à peine marqué, le rap français me fout le seum comme un appel masqué. Combien de leurs disent se confient à leur tasse, combien rêvent de voir leurs meilleurs potos tomber à leur place. Combien ont grandi loin des rêves d'une vie à deux, leur enfance passée au stade ou bien devant des films mafieux. Par ici on sait ce qu'on veut, mais rarement ce qu'on vaut. Tout compte fait, c'est un fait, les mauvais payeurs comptent faux. Combien ont placé le silence au-dessus des voix, combien se sont brûlés les ailes à voler au-dessus des lois. La rue ici, combien ont vu du bon en elle, combien ont fini au placard, combien ont pris du plomb dans l'aile. Combien ont pensé à se poser, après 2-3 rodcas sont férocés, combien ont fini par bosser.